Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 11 avril 1961. Et oui, en Israël, c'est le jour de l'ouverture du procès d'Adolf Eichmann, ancien Obersturmbannführer, un des maîtres d'œuvre de la solution finale. Il comparaît, faut-il le préciser, pour crime contre l'humanité. Alors, quand a-t-il été arrêté? Un an plus tôt, il se cachait en Argentine, à Buenos Aires. Ce sont trois agents du Mossad, les services israéliens, qui l'ont débusqué, ramené à Jérusalem. Alors, ce qu'on lui reproche précisément, c'est l'organisation logistique de la déportation des Juifs. On s'attend à voir un monstre SS à la barre, l'archétype du nazi. Seulement, lorsqu'il comparaît, le monde entier découvre un petit homme à lunettes, un monsieur tout le monde assez terne. C'est notamment pour cela que la philosophe Hannah Arendt parlera, vous savez, de la banalité du mal. Et ce petit homme, comme vous dites, assume ses actes? Bon, disons qu'il ne nie pas vraiment son rôle, mais il tente surtout de le minimiser, d'atténuer ses responsabilités propres. Au fond, la principale ligne de défense d'Eichmann, c'est qu'il n'aurait été qu'un exécutant qui se bornait à obéir aux ordres. Il se présente comme un fonctionnaire, si vous voulez, un rouage zélé d'une très vaste organisation. Mais l'une des clés de ce procès, c'est aussi la prise de parole de survivants de la Shoah, car depuis la libération, le sujet était pour le moins tabou. Avec le procès Eichmann en avril 61, la parole se libère et va trouver des auditeurs. Et quel est le verdict, Franck? Après 8 mois d'audience, Adolf Eichmann est condamné à mort. Il fait appel de la sentence, mais sa requête va être rejetée. Finalement, le 31 mai 62, il sera pendu, son corps incinéré, dispersé en Méditerranée. Le procès Eichmann est emblématique, mais bien d'autres criminels de guerre seront jugés après lui. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée au 550e anniversaire de la mort de Gutenberg.